À mesure d'une certaine intégration, il me semble qu'il y a moins de pensées, en tout cas, moins de pensées dérangeantes comme tout ce qui est répétitif, un peu obsessionnel, ouais. Ben, comme tantôt, je parlais des pensées, je dis de la possession, c'est tout ce qui vient pas de nous autres. Mais la première phase, c'est l'obsession. L'obsession. Tout ce qui est obsession, là, on n'est pas loin. Loin de ce qu'on pourrait appeler de la possession. Mais c'est sûr, moi, quand je parle de la possession, c'est pas au sens comme il y a dans la culture populaire. C'est bien plus subtil que le monde pense. Bien plus subtil que le monde pense. Comme il y en a, là, sont obsédés par le mal, puis ils pensent rien qu'à ça, puis ils pensent rien qu'à dénoncer le mal au point d'étudier de la démonologie, puis blablabla. Ben là, on est dans l'obsession. La possession est pas loin. C'est pas sain. Là, je parle pas, je parle sain au sens de sanité. Il y a une question de, quand même, de salubrité. La salubrité du mental. Puis c'est pas le mental qui peut faire le ménage en lui-même. C'est pour ça l'affaire de surmental. La conscience, c'est pas censé être mental. Avoir une conscience du mental.